Vous écoutez donc Futur Simple sur CKRL 89.1 et comme je le disais à l'instant, on commence l'émission sur le thème de l'alimentation, plus précisément le gaspillage alimentaire. Et pour cela, notre chroniqueuse Clémence Sirot, bonjour Clémence. Bonjour. Donc Clémence reçoit Estelle Richard, chargée de projet aux Amis de la Terre. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour Estelle, alors tu travailles au sein de l'organisme communautaire Les Amis de la Terre. Oui. Et tu es responsable du projet Sauve ta bouffe. Oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le projet ? Oui, donc Sauve ta bouffe est un projet pour contrer le gaspillage alimentaire. Il prend pour l'instant la forme d'une plateforme web. C'est un moyen qu'on s'est donné pour réduire le gaspillage alimentaire chez les gens, chez les citoyens, dans les ménages. Donc, on est consciente que le gaspillage alimentaire est un problème à multiples facettes. On a décidé de s'attaquer ou de se pencher sur les ménages plus précisément parce que la consommation des gens représente une grande partie de la problématique. Donc, c'est un site web qui présente différents trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire et qui met en lumière aussi les enjeux du gaspillage, que ce soit environnementaux, sociaux ou écologiques. D'accord. Donc, le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial? Oui. Alors, il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, donc le FAO, qui a sorti un rapport à ce sujet l'an dernier. Et le résultat de leur étude, c'est que 1 milliard de tonnes gaspillées par an, enfin 1 milliard de tonnes est gaspillée par an. Ça fait plus de un tiers de ce qui est produit dans le monde qui est jeté. Donc ça paraît quand même énorme, en tout cas j'ai un peu du mal moi à réaliser. Comment ça se fait qu'on ne se rend pas compte qu'on gaspille à ce point-là? C'est quoi la cause de ce gaspillage? La cause du gaspillage alimentaire est multiple. On peut y aller de façon individuelle pour commencer. En fait, puisque notre projet se penche, comme je disais, sur la problématique du gaspillage dans les ménages, il y a entre autres la question de la perte de la valeur des aliments. On est dans une société là où on se rend plus compte à quel point on est chanceux d'avoir accès à une alimentation de qualité et relativement peu chère si l'on compare à d'autres pays. Et donc, souvent, on va lier l'aliment au prix qu'il nous a coûté. Donc, on va se dire, un paquet de carottes qui m'a coûté 2 $, je peux le gaspiller, c'est seulement 2 $, alors que toute la chaîne de production qui est derrière ce sac de carottes-là représente énormément d'énergie mobilisée. Donc, d'un point de vue personnel aussi, ça peut être on a relevé le fait que les gens ont perdu beaucoup de connaissances culinaires, perte de la transmission aussi des connaissances. Mm-hmm. Notre mode de vie de surconsommation nous pousse aussi à consommer vite, à ne plus prendre le temps de cuisiner. Donc, au lieu d'utiliser ce qu'on a dans le frigo, on va aller acheter des choses tout faites ou on ne pense pas nécessairement à d'autres manières d'apprêter nos aliments. On y va souvent d'une manière qu'on connaît, la plus populaire, disons, des pommes de terre, on va en faire une purée, mais il y a toutes sortes d'autres façons. Donc, là, le gaspillage, c'est aussi une histoire de créativité, on ne pense pas à utiliser ça d'une autre façon. Aussi. Il y a plusieurs facettes, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais c'est ça. Donc, d'un point de vue individuel, il y a ça. D'un point de vue agricole aussi, il y a beaucoup de pertes qui se fait au champ, malheureusement. C'est une problématique assez large. Il y a différents moyens qui peuvent être mis en œuvre. D'accord. Et justement, c'est quoi les conséquences de ce gaspillage alimentaire sur l'environnement? Donc, comme je disais, le gaspillage alimentaire, de gaspiller un aliment représente beaucoup plus qu'une perte de l'aliment lui-même ou d'une perte monétaire. En fait, toute la chaîne de production, donc au moment où la graine est plantée ou que le lait est tiré de la vache, quoi que ce soit, il y a de l'énergie qui est mise derrière ça. Donc, le pétrole qu'on met dans le transport, sur les fermes aussi pour récolter, tout ce qui est aussi l'emballage, donc mettre du yogourt dans un pot, par exemple, emballer dans du styromousse qui n'est pas recyclable, qu'on va finir par jeter aussi, qui est très polluant. Donc, tous ces impacts-là sont assez lourds sur l'environnement et aussi le traitement de ces déchets, parce qu'au bout du compte, ce qu'on gaspille devient un déchet. Et tout déchet a un coût environnemental, c'est de la pollution atmosphérique. Puis ça dépend encore aussi des pays. Au Québec, on a la chance d'avoir des installations relativement efficaces pour traiter nos déchets, mais il y a beaucoup de pays où malheureusement, ça se retrouve dans les rues, dans les rivières. Donc, les enjeux environnementaux sont assez lourds. Je peux vous donner un exemple. Exemple, le pot de yogourt aux fraises au Québec, on estime à 9 000 kilomètres qu'il a parcouru entre la production à ce que ça soit dans les frigos. Dans les frigos, dans nos assiettes. Donc, c'est vraiment, c'est énorme. Là. D'accord. Puis, il y a aussi des coûts économiques à ce gaspillage? Oui, c'est sûr. En fait, bon, si on pense à nous, personnellement, les coûts, c'est de jeter de l'argent par les fenêtres ou en fait à la poubelle, là, plus concrètement. On a estimé, suite à la lecture de différents rapports, que le gaspillage monétaire au Québec par semaine, on l'évalue entre 35 et 50 $ là, qui se ramassent aux poubelles. C'est sûr que c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus. On s'est basé sur l'étude de la FAO qui disait que bon, c'est un tiers des aliments et sur le montant total accordé en épicerie par les ménages québécois en moyenne. Donc, ça nous donne environ ça. Mais les enjeux économiques sont plus larges. Aussi, il y a une statistique qui, moi, me choque, là, vraiment. On estime l'argent gaspillé en termes alimentaires au Canada de 27 milliards de dollars. Puis ce montant-là est plus élevé, en fait, que les importations canadiennes alimentaires. D'accord. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça l'un à côté de l'autre puis dire, bon, si on arrêtait de gaspiller, on ne pourrait pas importer. Ce n'est pas forcément les mêmes produits, c'est ça? Non, exactement. Ce n'est pas nécessairement les mêmes produits. Puis ce qu'on gaspille, c'est pas nécessairement, répond pas à la demande de tout ce qu'on importe, mais c'est quand même un montant extrêmement élevé qu'on pourrait réduire, selon nous. Là. D'accord. Donc, le gaspillage est aussi une idée du lien social, de l'organisation qui peut être mis en cause? Oui, c'est ça. Bien sûr, en fait, les impacts sociaux du gaspillage sont encore une fois assez larges. Puis c'est sûr que nous, on est bon, un organisme québécois, donc on essaie d'agir au niveau québécois, mais d'un niveau mondialement, il y a une crise alimentaire en ce moment. Au Québec, il y a aussi des gens qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Et donc, le gaspillage alimentaire, en fait, représente un enjeu social parce que ça peut être, de réduire ce gaspillage pourrait permettre aux gens qui n'ont pas une sécurité, qui vivent une situation d'insécurité alimentaire, en fait, d'améliorer leur situation. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure par rapport aux connaissances culinaires, c'est une des causes, mais c'est aussi un enjeu parce que on essaie d'amener différentes idées, différents moyens, puis de remettre en question aussi différentes structures qu'on a. Par exemple, à l'école, à l'époque, à mon époque, il y avait des cours d'enseignement, de cuisine, planification de son épicerie. Peut-être pas aussi précis que gérer son frigidaire et tout ça, mais c'était quand même des notions qui nous étaient apprises et qui ne sont plus maintenant présentes dans les écoles. Donc, si ce n'est plus à l'école, on a des parents qui sont peu conscientisés à ça. Et très occupés aussi. D'où nous viennent ces connaissances? D'accord. Mais qui est-ce que ça arrange concrètement, ce gaspillage? Alors, je pourrais vous donner un exemple pour illustrer d'abord mon idée. Je suis allée, il y a quelques semaines, rencontrer des épiciers pour les sensibiliser à la cause. Et un des épiciers m'a répondu... Non, mais moi, l'anti-gaspillage, je suis contre ça. Le gaspillage alimentaire, c'est bon pour moi. Plus les gens gaspillent, plus ils vont revenir acheter. Donc, c'est une personne qui m'a dit ça. On ne va pas non plus généraliser, mais ça arrange les commerçants que les gens gaspillent car ils reviennent acheter plus rapidement. Ça arrange les marchés aussi. Quand on parle de gaspillage au champ, il y a beaucoup de producteurs qui ne vendront pas leurs produits parce qu'ils sont en surproduction et pour garder les coûts de vente assez élevés, ils vont gaspiller leurs aliments, que ce soit des fruits, des légumes, le lait, pour conserver ce niveau-là économique. D'accord. Donc, je reviens au sondage, à l'étude de la FAO. Oui. L'étude expliquait qu'en Amérique du Nord, le problème se situe surtout au niveau des consommateurs. Donc, votre site, vous êtes plus concentré à ce niveau-là. Oui. Et vous proposez un peu des solutions. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, le site, c'est une plateforme web qu'on a voulu interactive. Donc, il y a des fiches par aliment. bon, classés en ordre alphabétique, mais qui sont aussi où les gens peuvent voter. Donc, les fiches présentent différents trucs et astuces de conservation. Par exemple, est-ce qu'on met des oignons au frigo ou dans le placard? Par exemple, ne pas, c'est un truc qu'on propose, ne pas mettre les pommes et les poires ensemble, car toutes deux dégagent des toxines qui accélèrent le mûrissement. Des choses assez simples aussi, comme ne pas mettre les produits laitiers dans la porte du frigo, parce que c'est les endroits les plus chauds du frigo. Donc, bon, il y a le côté conservation. On donne des trucs aussi de cuisine. Par exemple, au lieu de jeter vos graines de courge, vous pouvez les utiliser, les faire griller avec un peu de sel, les manger, c'est super bon. Les feuilles de carottes aussi, au lieu de les jeter, on peut les intégrer dans des soupes, pour les faire aussi griller à part, les réduire en poudre et s'en servir pour assaisonner différents plats. Donc, le pain aussi, bon, quand on a une baguette un peu sèche, la réhydrater, la passer sous l'eau et la mettre au four, ça va la rajeunir, si je puis dire, ou en faire un pudding au pain, en faire des croûtons. C'est différents trucs et astuces comme ça que l'on offre aux gens. Les gens sont invités aussi à mettre leurs commentaires et à nous proposer leurs propres trucs et astuces, parce que c'est sûr qu'on a une équipe de bénévoles très active, que je salue d'ailleurs si elle m'écoute en ce moment. Donc, on a nous-mêmes fait des recherches pour proposer ces trucs et astuces, mais chacune a ses propres trucs. Et puis souvent, quand on parle de cette campagne, les gens disent « Ah oui, mais c'est des trucs de grand-mère. » Ben justement, c'est des trucs de grand-mère que chaque famille entretient et puis que nous, on cherche à valoriser. L'intérêt, c'est que tout le monde participe. Exactement. Donc, il y a cet aspect, bon, très truc et astuce. Il y a un aspect aussi plus de contenu, si je puis dire, où on présente les initiatives anti-gaspillage qui ont lieu au Canada et au Québec, des gens qui se sont prononcés contre le gaspillage alimentaire. C'est une vitrine aussi, là, pour d'autres initiatives et d'autres projets anti-gaspillage à travers le monde. D'accord. Merci Estelle d'être venue. Merci à vous. Donc, je rappelle que l'organisme Les Amis de la Terre vient de lancer le site internet sauvetabouffe.org qui propose donc des solutions au quotidien pour ne pas gaspiller. C'est une très bonne idée. Merci. Je vous remercie beaucoup toutes les deux, Clémence et donc Estelle Richard des Amis de la Terre. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va faire une petite pause musicale sur CKRL et on vous revient avec la vache folle, la maladie de la vache folle chez les cervidés.